Et ceux qui ne m'en parlent pas, bien tant pis pour ça. On peut tomber sur le joug de l'orateur, on peut tomber sur le joug du soleil, on peut tomber sur le joug des plants de maïs, on peut tomber sur le joug du végétarisme. C'est à vous simplement de ne tomber sur rien. Ça fait du sens, ça fait du sens. Sachez une chose, c'est pas sur le joug de l'orateur que vous tombez, si vous voyez l'intelligence de ce qui est dit. Vous tombez sur le joug de votre propre intelligence qui vous permet de comprendre l'intelligence qui est dit. Pas sur le joug de l'orateur.